culture, culture, culture et réalité. L'ensemble, ensemble, ensemble, je ne parle pas mal, viens flasher. Mémoire au peuple noir, message au peuple noir. Mémoire, hommage à tous les grands hommes de notre histoire. Mémoire au peuple noir, hommage au peuple noir. Hommage à tous les grands hommes qui ont fait notre histoire. Oui, légaliser la culture, jeune homme, légaliser la culture. Tout le temps, la connaissance enseignement pour nos progénitures. Ils disent, qui ils sont, Pablo le maître, qui ils sont. Je ne connais-tu bien président Mandela, Nelson Mandela. Je ne connais-tu bien l'homme France Fanon, France Fanon. Je ne connais-tu bien Marcus Garvey. Je ne connais-tu bien Malcolm X. On vient légaliser la culture, Pablo. Légaliser la culture, tout le temps. Légaliser la culture, Utah. Légaliser la culture, légaliser la culture. La connaissance enseignement pour nos progénitures. Ils disent qui ils sont, Rasta jeune, qui ils sont. Autrefois la Côte d'Or, maintenant appelée Ghana. C'est là d'où vient J.J. Rollins, le docteur Kwame Nkrumah. Du panafricanisme, Kwame Nkrumah était un des papas. Pour l'indépendance des États africains, il se devoit. Contre l'exploitation des masses surtout, il lutta. Mais le système B qui contrôlait son armée le renversa. De son action, la jeunesse africaine il marqua. Exilé, finalement en Guinée, Conakry il mourra. Fin des années 70, Jerry Rollins arriva. Les mécréants au pouvoir, rapidement il chassa. Par d'autres personnes, ses faux guides, il remplaça. En promettant la culture. Jeune homme, légaliser la culture. On vient légaliser la culture. Légaliser la culture. Légaliser la culture. La connaissance enseignement. La connaissance enseignement. La connaissance enseignement.